la mer fermée dans un puits bien glacé. Les apportes à mourir, il y avait conseil, il y a juste maudit, c'est en super. Et lorsqu'une journaliste retrouve la VHS, elle reçoit un coup de fil directement dans l'enfer. Dans cette jour et cette nuit, tu vas mourir. Dans cette jour et cette nuit, ça la combattir. Déjà tout vu, tu es déjà maudite. Si tu l'avais su, tu aurais très pris le risque. L'entrée de cette maison te condamnera la vie tout en dépression. Et de sortir d'ici. Dans cette jour et cette nuit, tu vas mourir. Dans cette jour et cette nuit, ça la va pire. Elle va mourir. Cette jour et cette nuit.